sectionnaire dans l'avenir nucléaire. Je sectionnaire des Simons pour Quimper. Je sectionnaire des joints pour le carter. Je sectionnaire dans toutes les galères. Dans toutes les galères. Je sectionnaire dans le sida et le cancer. Je sectionnaire des gros tortionnaires. Je sectionnaire des fans du manager. Je sectionnaire du centre du surfer. C'est ma chemise pour gagner, pas question de m'en passer. Financier, le dollar en baisse, les taux d'intérêt en hausse, et comme vous pouvez le voir derrière moi, eh bien, les marchés financiers en repli assez sensible. La hausse de l'été s'est noyée comme le temps. Je dirais dans la pluie, avec une baisse de 1,9% près.